une rue d'une ville où règne une atmosphère lourde et pesante. Pas de paroles inutiles, les mots sont supplantés par des lames tranchantes. Et elle danse et elle danse, dessinant en silence. Que la loi du plus fort, c'est le jeu de la mort. Elles s'emparent de leur corps. Alors je tends un I'm